la misère à me servir des deux que j'ai. On en a apparemment un troisième. Il se situe à quel endroit, physiquement, ce troisième œil-là? Physiquement, nulle part. Est-ce qu'on en a un troisième œil? Mm-hmm. Oui. Est-ce qu'il est raccordé au corps physique? Oui. Par quel moyen? De quelle façon? Il est relié chez ce que j'appelle souvent l'animal humain. Donc, il est relié chez les corps physiques qui sont encore assujettis aux lois de l'évolution, à la glande hypophyse, donc à la glande pituitaire. Et il se relie chez les êtres humains, chez ceux qui sont régis par les lois qui servent l'évolution, à la glande pinéale, c'est-à-dire à la glande qui est un peu au-dessus du thalamus, l'épiphyse. À l'époque des Atlantes, dans l'histoire passée, on a entendu souvent parler du troisième œil. On a lu, en tout cas j'ai lu, il y en a peut-être d'autres qui en ont lu, des histoires de personnages du Tibet, etc., qui avaient apparemment l'utilisation du troisième œil. À quoi ça servait le troisième œil dans le passé, ou est-ce que c'est la même utilité qu'on en fait aujourd'hui? Même utilité, non. Les gens s'amusent aujourd'hui avec le troisième œil. Premièrement, dans le passé, les corps physiques n'étaient pas les corps que nous avons aujourd'hui. Il y avait une évolution qui densifiait les corps, que j'appelle une corporification. Et dans cette densification corporelle, l'être humain n'avait pas d'autre choix que de se servir de son troisième œil tant que la partie cérébrale n'était pas suffisamment développée. Parce que chez l'embryon, les yeux proviennent du cerveau. C'est une espèce d'excroissance cérébrale qui va lentement engendrer les yeux. Dans l'Antiquité, pour moi, c'est là quelques 35 millions d'années, et je fais donc référence à un être humain qui n'était pas tout à fait ce que nous avons retrouvé au niveau de l'Australopithèque ou de ses ancêtres. Et à partir de l'Hyperborée ou de la Lémurie, l'Atlantide avait encore certains personnages qui fonctionnaient uniquement avec un œil. On a fait référence aux cyclopes à un moment donné au niveau d'Homère, mais ce n'est pas tout à fait les cyclopes. Les cyclopes avaient un œil, c'était relié à la partie cérébrale, sauf qu'ils n'avaient pas un développement bioculaire. D'ailleurs, les cyclopes avaient un problème d'évolution totale parce que ne pouvant voir avec deux yeux, vu qu'ils en avaient seulement un, ils ne pouvaient finalement connaître un monde à trois dimensions qu'on ne peut connaître que si on a deux yeux. Alors, ils se sont éteints parce que, de toute façon, ils ne pouvaient pas parvenir à survivre. Dans l'Antiquité, donc, les êtres qui devaient devenir des êtres humains, les animaux aussi ont une faculté de troisième œil. Ces êtres se servaient presque uniquement de leur troisième œil de façon à connaître le monde matériel dans lequel ils étaient implantés pendant les phases de fusion, donc pendant les phases de terrestrification. Le cerveau fonctionnait quelque peu et la cérébralité de l'humain va se développer surtout en Lémurie. Et c'est de là d'ailleurs qu'on va découvrir la sexualisation, c'est-à-dire qu'à un moment donné de l'évolution de l'homme, 100% d'énergie vitale qui servait à la procréation va être scindée en deux chez les hermaphrodites, donc chez les animaux. Et qui, les animaux humains, qui à un moment donné vont donner notre race, une partie de l'énergie vitale, presque 50%, va commencer à cheminer sur la colonne vertébrale pour développer le centre laryngé et le centre cérébral. Et là, on va commencer à avoir aussi une évolution au niveau oculaire. Le troisième œil est donc un phénomène de perception vitale. C'est un sens vitalique, ce n'est pas un sens vitaux dans le sens conservant la vie. C'est un sens vitalique relié au corps vital, au corps éthérique. Et ce troisième œil a servi dans l'Antiquité, pendant la fusion, pendant la terrestrification, à ces êtres qui n'avaient pas la conscience d'être, mais qui avaient une conscience de présence. Et ils pouvaient se servir de cette faculté vital pour décoder le monde dans lequel ils étaient, de façon à pouvoir cheminer, de façon à pouvoir se véhiculer et à pouvoir y survivre. Lentement, pendant la terrestrification, le troisième œil a été de plus en plus difficilement accessible à la conscience biologique des animaux, donc évidemment des animaux humains aussi. Et lentement, le cerveau se développant, les yeux se sont développés pour s'adapter à une atmosphère beaucoup plus matérielle, parce qu'on sait qu'il y a de cela quelques milliards d'années, la planète Terre n'était pas solide comme elle l'est aujourd'hui, c'était une nébuleuse. Et sa formation, enfin, il y a plusieurs choses sur lesquelles on pourrait revenir à un moment donné, mais pendant la formation du système solaire, il y a des nébuleuses, enfin des formations solaires qui ont été arrêtées, des petites choses, et ça engendre des planètes, ça engendre des lunes, et nécessairement, de temps en temps, ça engendre un soleil. Le nôtre a 4,5 milliards d'années, c'est un soleil qui est relativement jeune. Et lorsque la Terre a été... lorsque le mécanisme planétaire a commencé à se densifier suffisamment pour engendrer de la matière solide, ce qui par la suite vivait dessus, ce qui s'est détaché de la surface de la Terre du point de vue de la conscience, a commencé aussi à s'adapter dans le corps physique à l'évolution de la planète, ce qui fait que le troisième œil, qui servait en termes de vision astrale ou de vision vitale, ce qui servait à l'époque, a commencé à être oublié au détriment, disons, à l'avantage des sens biologiques, des sens physiques, en l'occurrence le toucher, le goûter, l'olfaction, les oreilles, donc l'ouïe, et finalement les yeux. Donc le troisième œil, il ne servait pas à voir, mais à sentir, à vibrer des choses. C'est-à-dire qu'il faut faire attention par voir. Effectivement, ce n'était pas une vision comme nous avons une vision oculaire aujourd'hui. Comme l'audition, c'est une vision. Mais c'est une vision d'une longueur d'onde que l'œil ne capte pas. Alors on appelle ça entendre. Et on n'entend pas comme on voit. Pourquoi? Parce que les traducteurs cérébraux, ce qui se relient au sens, ne traduisent pas la perception de la même façon. Le toucher, c'est une vibration aussi. Quand on sent de la chaleur, c'est une longueur d'onde particulière qui peut, à un moment donné, même être visible. La chaleur peut faire rougir un morceau de métal. C'est de la chaleur. Elle peut le rendre blanc. Donc, elle peut émettre des longueurs d'onde que nous allons voir. Même qu'on peut aussi entendre un son. Le son va devenir de la chaleur sur un morceau de métal, et finalement de la couleur, donc de la lumière. Alors, le troisième œil servait comme nos yeux servent aujourd'hui, mais étant donné leur subtilité, il permettait à l'humain de l'époque, et même aux animaux, de voir surtout dans le monde astral, donc dans le monde de la mort, que l'humain appelle aujourd'hui le ciel, le nirvana, etc. Et ça lui permettait de voir les longueurs d'onde qui échappent totalement au système oculaire aujourd'hui, que les humains peuvent aussi appeler l'aura. Est-ce que le troisième œil était à l'époque surtout relié, comme tu dis, au monde de la mort, donc aux mémoires, ou s'il pouvait servir aussi d'instinct, à guider l'instinct? Non, l'instinct, c'est une mécanique qui échappe à la conscience de l'individu qui s'en sert. L'instinct, c'est quelque chose que tu as et que selon l'humain, selon l'individu, c'est quelque chose qu'il n'a pas appris. Et il s'en sert inconsciemment, c'est l'instinct. Alors, l'enfant peut téter instinctivement, mais l'enfant ne sait pas qu'il tète, il ne sait pas qu'il le fait, et donc c'est l'instinct. Quand l'adulte regarde les oiseaux qui construisent un nid, il dit c'est l'instinct. Pourquoi? Parce que selon eux, les oiseaux n'ont pas pu apprendre, il n'y a pas d'école pour apprendre à construire des nids, et ils bâtissent un nid. C'est une mécanique, une programmation, une mémoire qui est léguée par l'expérience planétaire, donc c'est une mémoire réincarnative que les animaux ont comme les humains ont, et qui permet à l'individu, à l'espèce, de pouvoir répéter les traditions, donc répéter les mêmes choses. Le troisième œil n'était pas un phénomène instinctif, c'est-à-dire que comme le chien va suivre, on dit le chien suit instinctivement son odeur ou l'odeur de son chemin. C'est de l'instinct. Pourquoi? Parce qu'apparemment, on n'a pas dressé le chien à se servir de son nez et à croire que ce qu'il reconnaît va le mener là où il veut aller. C'est l'instinct. Mais moi, j'explique souvent qu'il y a de l'intelligence. Il y a l'intelligence instantanée, une intelligence qui n'appartient pas aux mémoires expérientielles de l'homme, donc une intelligence qui permet à l'humain de savoir tout ce que l'humain a besoin de savoir lorsque c'est nécessaire qu'il le sache, et cette intelligence n'a pas besoin de passer par l'école, c'est-à-dire que l'humain sait sans apprendre. L'instinct, c'est exactement cela. L'humain sait sans apprendre, comme l'animal sait sans apprendre. Sauf que le contexte endocrinien et cérébral de l'animal n'est pas l'équivalent par rapport à celui de l'homme, de la femme et de l'enfant. De ce fait, l'intelligence instantanée ou l'intelligence supramentale ne peut pas servir l'animal comme il va servir l'humain. L'instinct dans le passé, c'est un contact avec l'événement, c'est un contact avec la réalité, c'est un contact avec l'instantanéité qui est décodé d'une façon extrêmement rapide par une mécanique qui est attribuée au plan vital et qui va diriger l'espèce, l'animal, que ce soit l'animal humain ou l'animal simplement animal. Alors, le troisième œil va servir, disons, l'animal va s'en servir instinctivement, mais ça n'a rien à voir avec l'instinct. OK. Donc, il ne pouvait pas fouiller dans le futur avec le troisième œil, mais seulement dans le passé. Il ne pouvait fouiller que dans le passé et dans un passé qui était instantanément passé, c'est-à-dire, disons, qu'il pouvait fouiller dans le présent, en ce sens qu'il pouvait fouiller dans la mémoire, disons, de 1/10 millionième de seconde du présent. C'est du passé. Alors, pour l'animal qui a une vitesse cérébrale de réflexion extrêmement lente, c'est totalement le présent. Comme aujourd'hui, lorsque l'humain contemple son présent, il peut dire, ben, le présent, c'est aujourd'hui. C'est échelonné sur plusieurs heures. Alors, dans son aujourd'hui, tout son présent est le passé. Parce que le présent, pour l'humain, est rarement dans une heure. C'est bien plutôt, voilà, 1/1 millième de seconde, d'aller en arrière. Alors, l'animal de l'époque, l'animal humain de l'époque, se servait de son troisième œil uniquement pour pouvoir être informé. en réalité désinformé dans le monde de la mort, pour qu'il accepte sa condition terrestrifiée, c'est-à-dire que l'intelligence, lorsqu'elle se fuse à travers des galaxies, à travers des super-univers, les univers, les galaxies et des systèmes solaires, elle perd en vibration, c'est-à-dire que tout ce qui se rapproche d'un monde refroidi, d'un monde dense, devient dense. Il a l'avantage d'évoluer le monde refroidi, c'est-à-dire qu'il transmet son énergie, donc fait évoluer ce qui est froid, mais transmettant son énergie, il perd son énergie et se refroidit. De ce fait, lorsque l'énergie qui va créer l'homme, je ne parle pas de l'homme biologique qui est relié à l'animal, le véhicule sert de transporteur planétaire et de mémorificateur de conscience, mais lorsque l'intelligence descend, elle s'effuse. L'effusion est l'inverse de la fusion. Lorsque l'être humain vit une fusion, c'est qu'il se remélange, il se fusionne avec de l'intelligence, avec sa conscience, avec des choses qu'il a toujours été, mais qui, dans sa conscience terrestrifiée, dans sa conscience d'humain planétaire, a totalement oublié. Alors, le troisième œil a servi surtout à donner de l'information au corps physique qu'il a cellularisé, donc qu'il a génétiquement mémorisé, et cela a permis de nourrir les âmes en gestion, c'est-à-dire que l'âme, qui est un virus planétaire, commençait à se développer à l'intérieur de ces animaux humains. Et le troisième œil était la voie de contact entre les archétypes, c'est-à-dire tout ce que l'intelligence devait abandonner dans son effusion, dans une mémoire plus vibrante, la mémoire d'ailleurs de la planète Terre, entre autres, la mémoire atmosphérique extrêmement chaude de l'époque. On retourne dans quelques milliards d'années en arrière. Et lorsque le troisième œil était opérationnel, il permettait à l'humain d'avoir une vision théologique, d'avoir une vision espritique, d'avoir une vision spirituelle, mais d'avoir une vision involutive, d'avoir une fusion effusionnelle, c'est-à-dire d'avoir une vision punitive de sa condition de terrestrificateur, de terrestrifié plutôt, et nécessairement, il a eu le contact avec les forces géoviques qui ont instauré la loi très rigide de l'évolution de la conscience des âmes. Il y a eu le contact avec les forces yaviques qui a lentement instauré le phénomène de l'amour, c'est-à-dire de la relation de dépendance entre les âmes, parce que l'amour de l'humain est un amour extrêmement souffrant. Ça ne fait que souffrir. Et le troisième œil permettait donc à l'humain d'avoir accès au monde de la mort, aux annales akashiques, donc à la mémoire presque présente du présent. Et cela a permis à l'humain de pouvoir développer une plénitude d'âme où il restera certain que ce qu'il a vu avec le troisième œil, qui est un instrument qui colore comme l'œil, colore comme le système olfactif ou auditif colore, il a eu la certitude qu'il provenait de Dieu, qu'il a été créé, qu'il a fait une chute, qu'il a fait des bévues. La chute elle-même, c'est dans les mûries surtout qu'on la retrouve, un peu avant la sexualisation. Et l'être humain va donc, par la suite, du point de vue de l'âme, relié à des archétypes, rester conditionnellement relié à ses mémoires par le biais de son troisième œil. C'est lui qui va l'instruire. Et on sait que dans l'Antiquité, c'est dans l'Antiquité surtout qu'on a des livres sacrés, des livres qui ont été écrits en ce qui concerne Dieu. Si aujourd'hui une personne écrit une nouvelle Bible, on va simplement le rire de lui. Alors qu'à l'époque, les gens qui les ont écrits ne savaient même pas écrire, puis on les vénère, ces livres-là. Et ces personnages avaient encore accès au troisième œil, c'est-à-dire que beaucoup de ces personnages qui, évidemment, ont traduit l'histoire orale de l'homme, il y a eu l'histoire de Rama, il y a eu l'histoire de Zarathustra, il y a eu l'histoire d'Odin, il y a eu l'histoire de plusieurs personnages au niveau de la race blanche, la race cutanée blanche, évidemment. Et lorsque ces personnages communiquaient, ils communiquaient par leur troisième œil avec le monde de la mort, ce qui leur donnait des visions absolument fantastiques comparativement aux visions non lumineuses de notre planète, c'est-à-dire que la lumière est extrêmement colorée par notre système oculaire. Alors, dans le monde de la mort, ou dans le monde de la mort qui est la mémoire de l'instant présent, ça donne l'impression d'être dans le monde de la réalité, avec une vision de troisième œil, on a une vision de couleur extrêmement plus pure que ce qu'on peut avoir avec n'importe quel système biologique. Est-ce que ça se faisait sous forme de rêve, ce contact-là, non. Ou en état d'éveil? Dans le début, il n'y avait que le troisième œil. Donc, les humains se promenaient et ils voyaient évidemment l'aura, c'est-à-dire toute l'énergie rayonnante de n'importe quoi, des espèces d'oiseaux qui ont disparu, que ce soit l'archéoptérix ou même avant, il y a eu d'autres phénomènes d'oiseaux, parce que les brontosaures, les dinosaures sont arrivés après le début de l'apparition de l'animal humain. Évidemment, l'humain n'était pas comme nous l'avons aujourd'hui. Si on regarde le fœtus humain, il repasse de la naissance, c'est-à-dire de la fécondation, aller jusqu'à la naissance. Il aurait fait toute la structure évolutive du corps physique de l'animal humain depuis son apparition sur le plan planétaire, aller jusqu'à aujourd'hui. Et comme tous les animaux proviennent des mêmes sources, nécessairement un fœtus de 3 semaines d'un chien, d'un cheval ou d'un humain, c'est pareil. Alors, à la longue, il va, parce qu'il habite le corps physique d'un adulte, disons d'un humain, et parce que sa génétique va lentement retranscrire l'expérience planétaire à l'intérieur du corps physique, lentement, le fœtus va se diviser, c'est-à-dire qu'il va se diviser, il va se spécialiser, et on va reconnaître le cheval, le chat, l'oiseau ou encore l'humain. Donc, les êtres de l'époque ne sont pas des êtres comme nous les connaissons aujourd'hui. C'est des êtres unicellulaires qui, lentement, vont devenir pluricellulaires, hermaphrodites, donc, qui vont être capables d'engendrer eux-mêmes, et lentement, ils vont devenir sexués. Lorsqu'on voit avec le troisième œil, lorsqu'il est opérationnel et qu'on fonctionne avec le troisième œil, on voit exactement comme avec nos yeux, à la nuance près, que les yeux fermés, on continue à voir les êtres humains. Si on veut faire un parallèle, ça ressemble un peu à une photographie de... faite avec une pellicule infrarouge ou avec une caméra, par exemple, qui repère de l'infrarouge. Ce n'est pas tout à fait cela. Mais l'infrarouge, on va décoder seulement de la couleur chez les individus. On ne voit pas les formes précisément. Et ce sont des couleurs calorifiques que l'on reconnaît. Alors, on sait que telle couleur, c'est plus chaud, telle couleur, c'est plus froid. Et on peut voir, donc, une trace laissée par l'individu. Si elle réchauffe l'atmosphère en bougeant, nécessairement, on va voir la nuance, une espèce de feu. Au niveau de la vision, alors c'est un peu similaire, sauf qu'une vision de troisième œil permet à l'individu de voir tous les auras de tout le monde, et nécessairement, il voit aussi l'aura des murs, parce que les murs enregistrent tout ce qui s'est passé, il y a une vibration normale là-dedans, il y a de la chaleur là-dedans aussi, et il voit l'aura à travers les murs, c'est-à-dire qu'il voit carrément les individus qui sont à l'extérieur d'une salle. Qu'est-ce que ça donne de voir l'aura? Ou qu'est-ce que ça donnait, ou qu'est-ce que ça donnait? Bien, à l'époque, ça donnait que ça les évitait de rentrer les uns dans les autres. Dans l'autre, ils ne voyaient pas autrement. À partir du moment où ils voyaient comme nous physiquement, ou l'être humain, ou l'humain voyait, avec un système optique standard, quel était l'avantage d'avoir l'aura? Bien, l'avantage d'avoir une vision aurique, d'avoir une vision de troisième œil, pendant les périodes d'involution, ça n'a jamais été un avantage, pour la simple raison que l'humain allait vers... De toute façon, l'humain a été bâti à partir de trames identiques. L'humain vit donc d'un collectivisme particulier. Et lorsque tu es le seul dans ta tribu à voir le troisième œil, ou tu deviens un sorcier, ou tu deviens un martyr. Alors nécessairement, tu n'en parles pas trop. Dans la phase de stagnation, involution, évolution, il y a un snobisme de l'évolution qui commence à naître. Et là, avoir une vision troisième œil, ça devient... C'est extraordinaire. Si tu deviens un fakir, tu deviens un sorcier encore une fois, ou tu deviens un mystificateur, ou tu deviens ce que tu voudras. Bon. La problématique, c'est que dans l'Antiquité, la vision du troisième œil, l'avantage, c'était que l'humain avait accès directement aux dieux, c'est-à-dire aux personnalités archétypales créées par l'homme à l'image et la ressemblance de l'homme, placées dans le monde de la mort. Et de ce fait, étant donné que l'égrégore, l'âme planétaire, est beaucoup plus grande en termes de constituant amique, mémoriel, elle pouvait donner à l'individu qui avait une vision de troisième œil une information qui échappait à tout le monde, donc ça permettait à cet individu-là de devenir supérieur aux autres. Évidemment, il y a eu des individus qui travaillaient au niveau des forces melchisédiennes, donc qui, eux, étaient catalyseurs de l'évolution. Ils avaient accès au monde de la mort simplement pour pouvoir connaître de quelle façon l'âme des individus était formée. Et à l'époque, ces individus-là pouvaient, en regardant le rôle d'une autre personne, connaître totalement la constitution réincarnationnelle amique de l'individu, donc sa psychologie, et il pouvait aussi, par des chants, par de la musique, par différentes substances alimentaires, transformer la couleur de l'aura, donc transformer la psychologie de l'individu. Mais avantage, faut bien s'entendre. Comme ce soir, on peut expliquer comment développer sa vision aurique reliée à la glande hypophyse, et on va aussi expliquer comment développer sa vision aurique, ou sa vision de l'utilité du troisième œil reliée à la glande pinéale. Mais si tu me demandes quel est l'avantage d'avoir une vision reliée à la glande hypophyse, si tu es bien snob, tu deviens snob, c'est intéressant, oui, c'est pour faire du spectacle. Dans l'Antiquité, c'était utilisable parce que l'humain n'avait rien d'autre, et lentement, il est devenu plus oculaire. Et aujourd'hui, développer une vision de troisième œil reliée à la glande hypophyse, ça ne sert strictement à rien. Pourquoi? Parce que pour voir l'aura d'un individu, dans l'Antiquité, les âmes qui avaient, ou les individus, qui avaient la capacité de voir l'aura, ceux qui s'en servaient raisonnablement avaient une aura suffisamment pure, c'est-à-dire qu'ils étaient anégoïques, ils n'avaient pas d'ego. N'ayant pas d'ego, leur aura n'était que transparente, l'aura astrale, pas l'aura vitale, qui est un petit peu grisaillée et jaunâtre, dépendant des individus. Et lorsqu'ils voyaient l'aura d'un individu, ils voyaient l'aura de l'autre au travers la leur, et la leur étant transparente, ce qu'ils voyaient de l'autre, c'est l'aura de l'autre. Aujourd'hui, un individu qui voit l'aura, nécessairement, voit l'aura d'un autre au travers de la sienne. Alors, si son aura est jaune et que l'aura de l'autre est verte, lui va dire l'aura de l'autre est bleue. Alors, il va maintenant essayer de décoder la psychologie de l'autre à partir du bleu. Et l'aura de l'autre est vraiment pas bleue. C'est que la sienne est jaune, où il regarde, et l'autre, elle est verte, et ça crée des couleurs. Donc, son jugement peut pas être bon à partir de... Ben, le bleu et le vert, plutôt. Ouais, le jaune et le bleu créent le vert. Alors, l'individu va avoir une aura totalement faussée. Qu'est-ce que ça leur donnait à ce moment-là? Il y a eu une période au Tibet où les gens se faisaient ouvrir le troisième œil, se faisaient ouvrir le troisième œil dans le front avec un télévision là-bas. Avec un vilebrequin. Et puis, on plaçait même un coin en bois pour le laisser ouvert pendant un bout de temps. Ça servait juste à voir les auras. J'aurais vu des couleurs de toute façon, moi, sans voir de troisième œil, là, disons. Ben, c'est ce qui arrivait aussi. Des fois, la mémoire, l'opération manquait, mais la mémoire des couleurs que tu avais vues restait. Mais pourquoi ils faisaient ça? Bon, alors, le Tibet, c'est différent. Premièrement, le Tibet, c'est un peuple, les Tibétains, c'est un peuple qui est relié à un égrégore qui provient d'une guerre, d'un rejet total entre une race, entre un peuple, qui était un peuple de prêtres. Alors, je saute des étapes. Évidemment, c'est un peuple de prêtres ariens. Il y a eu une époque où la femme, le matriarcat, dominait totalement à l'échelle de la planète. C'était le règne des sorcières. Et il y avait tellement de sacrifices humains. À un moment donné, il y a un bonhomme qui a réussi à renverser un peu la vapeur. Ce bonhomme s'appelait Rama. Et à travers les différents personnages masculins qui se sont levés, il y a eu un peuple, suffisamment d'individus qui se sont réunis ensemble. Et comme toujours, tu commences, lorsque tu te libères d'un joug, tu commences toujours par haïr le joug. Et finalement, tu vas imiter le joug. Plus ça change, plus c'est pareil. Les mâles qui se sont libérés ont nécessairement commencé à dominer la femelle. Et cela a créé un peuple qui a été banni par la guerre. Les femmes, les sorcières les ont rejetés. Et ils se sont enfuis dans les montagnes de l'Himalaya. Évidemment, quand on parle du peuple de Ram, on parle de Rama, on parle du peuple arien, on parle donc du peuple de l'Inde. Et c'est là que vont se développer les premiers vestiges de ce qu'on appelle la race blanche. Mais la race blanche, ce n'est pas la race cutanée. Il y a beaucoup de personnes qui ont une cutanée noire, jaune ou rouge, qui font partie de la race blanche. Une question de neurologie, non pas une question de cutanéité. Et lorsque ces peuples ont été obligés de fuir vers le Népal, qui n'existait pas à l'époque, évidemment, au niveau du nord, vers finalement les montagnes, ils ont traversé complètement les Himalayas et ils se sont placés là-bas. Étant donné que c'était un peuple de prêtres qui était totalement à l'époque investi par différents phénomènes, dont la vision du troisième œil, la lévitation et d'autres phénomènes de préscientisation et ces choses-là, ils ont cultivé dans des monastères, dans ce territoire-là, leur propre religion. Lorsque Siddhartha Gautama, le Bouddha, est apparu dans l'Inde, évidemment, eux se sont envoyés des émissaires et ils se sont colorés de cette religion et ils l'ont conservée. Ils ont toujours travaillé sur la réincarnation, c'est-à-dire que ce peuple étant un peuple de prêtres, ils ont toujours été absolument certains, pas convaincus, mais certains, de la mécanique de la réincarnation. Et pendant longtemps, ils travaillaient continuellement des mécanicités permettant aux individus qui mouraient de pouvoir retrouver un chemin pour se réincarner. De ce fait, et ça, j'en ai déjà parlé à un moment donné dans une conférence réservée aux séminaristes, de quelle façon on peut préserver des conditions matérielles d'aujourd'hui qui devraient se préserver dans l'avenir pour ce que lorsqu'il y aura un corps physique qui sera prêt à nous attirer, nous puissions retracer complètement ce que nous avons été de façon à finaliser la réincarnation, parce que ça se réincarne 24 heures sur 24 toute notre vie, mais la réincarnation complète de ce que nous avons été dans le passé avec des outils nous permettant, en termes d'égrégore, en termes de talisman, ça peut être ton foulard, ça peut être ta maison, ça peut être une bague que tu as eue, d'attirer, de réattirer des mémoires qui t'ont constitué pour te reconstituer au niveau biologique. De cette façon-là, l'individu rendu à un certain âge, qui peut être de l'âge de 2, 3, 4, 5 ans, dépendant des personnes, à un moment donné, se rappelle totalement qui elle a été. Ça y est, maintenant, elle est totalement réincarnée. Ce que nous ne retrouvons pas chez l'espèce humaine, à part au Tibet et à part dans quelques exceptions, aujourd'hui. Alors, ces prêtres rendus donc au Tibet ont préservé des traditions mécaniques qui leur donnaient un avantage certain, leur permettant de voir le monde de la mort, donc d'avoir accès, non pas seulement par les astrologues, mais d'avoir accès directement avec une vision bilocalisée dans le monde de la mort et dans le monde planétaire, à des structures qui manipulent la condition humaine, la condition planétaire évolutive. La problématique des Tibétains, c'est qu'ils n'ont pas de conscience réellement évolutive, ils n'ont pas une conscience salvatrice, c'est-à-dire qu'ils ne se contentent que de faire tourner la roue, mais ils n'ont aucune structure théologique ou ésotérique ou occulte leur permettant d'échapper à la roue. Donc, ils se réincarnent inlassablement Et ils n'ont pas de mécanique leur permettant d'atteindre une conscience supramentale ou une conscience intentionnelle à un moment donné. Alors, leur ouverture du troisième œil, ça reste une tradition. Alors, ce que l'on fait normalement, c'est qu'un individu qui, génétiquement, a une biologie lui permettant d'avoir des rêves suffisamment concrétisable, donc, de pouvoir voyager pendant le sommeil, non pas uniquement dans le monde de la mort ou dans sa propre mémoire, mais dans la conscience cachée, qu'il a donc la capacité de faire ce que l'on appelle des voyages astraux. Et en faisant ces voyages astraux, il peut connaître des choses qui échappent aux yeux matériels. Et lorsqu'on a un individu, un jeune, évidemment un enfant normalement, qui est capable de faire ce genre de choses, eh bien, si on a besoin d'une personne pour fouiller carrément dans le monde de la mort, on va opérer. Qu'est-ce que c'est l'opération? L'opération du troisième œil, il faut faire attention. Lorsque l'on prend un vilebrequin, effectivement, on va couper un peu au niveau de la peau. Ce n'est pas dans le front, c'est directement entre les deux yeux que l'opération va se faire, un peu en haut de l'os nasal. On va percer et on va avancer suffisamment, on va éliminer la calotte crânienne. Et le coin de bois dont tu parles est un truc, premièrement, qui est enduit d'un produit qui empêche l'infection, qui est enfoncé au niveau cérébral juste suffisamment pour interdire totalement la vision oculaire. C'est-à-dire qu'il perturbe suffisamment ce que les yeux amènent au cerveau que tout est totalement déformé. Étant donné que la vision est totalement déformée, elle devient à peu près inopérante, sauf que cette déformation biologique amène une réveil des mémoires expérientielles à l'intérieur de l'ego, donc de l'âme, de l'enfant qu'on veut travailler. Et ce qu'il voit biologiquement étant totalement déformé par la pression cérébral ressemble énormément à la vision qu'on a avec un troisième œil. Étant donné que maintenant, il ne peut faire autrement que d'avoir une vision identique ou similaire au troisième œil, même s'il n'en est pas une, il instruit son ego, c'est inconscient, son ego s'instruit de l'expérience et lentement se le réveille des mémoires des ancêtres qui se sont réincarnés et ces mémoires se réveillent à l'intérieur de la conscience de l'individu. L'ego finit par autoriser le corps à se servir du troisième œil. Et lorsque cela est suffisamment évident, on va commencer à ôter la cheville et l'enfant va retrouver sa vue normale, mais va continuer à voir les couleurs. Le troisième œil va être opérationnel, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas ouvert, mais on vient de jouer l'ego. Et maintenant, l'ego est obligé de réexpérimenter la vision du troisième œil. Et maintenant, l'ego s'en sert. Si l'ego est investi d'une conscience suffisamment mentale, donc l'enfant est capable de comprendre qu'il doit maintenant travailler le troisième œil, bien nécessairement, le reste va se développer. Est-ce qu'un aveugle a un avantage pour la pratique du troisième œil? On ne peut pas ouvrir le troisième œil chez un aveugle de cette façon-là. Pourquoi? Parce que de toute façon, en comprimant, l'aveugle, lui, va peut-être voir des couleurs, c'est possible, parce que ça va innerver les nerfs. Sauf qu'il n'ayant pas une vision réelle, il ne peut pas expérimenter une vision similaire au troisième œil. Il aura l'impression peut-être de voir des phosphènes. De temps en temps, les phosphènes sont une vision du monde de la mort. Ça dépend de quelle façon travaille le phosphénisme. Alors, chez l'aveugle de naissance, on ne peut pas ouvrir un troisième œil de cette façon-là. Il y a d'autres façons de l'ouvrir, mais pas de cette façon-là. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit ouvrir le troisième œil de la même façon ou s'il n'y a pas une technique plus moderne? Ah, ben aujourd'hui, on a des outils qui s'enfilent maintenant à batterie. Oui, des drills électriques. Ah ouais, c'est mieux que le vilebrequin qu'on utilisait à l'époque. Surtout que la lame était en bois. Enfin, une fois, c'était pas... Il n'y a pas un autre moyen que ça, au laser. Oui, il faut pas que le laser bouge. Par là-bas. Sans opération. Oui, sans opération, il y a différentes façons de faire travailler son troisième œil, effectivement, oui. Il y a plusieurs façons même. Est-ce que tu peux en nommer une? Ah, oh, je peux en nommer une, oui. Nomme-en une. Oh. Je fais attention à comment je pose mes questions. Une des façons les plus intéressantes, c'est lorsque l'être humain prend un point focal. Ce que j'explique là, par contre, ça développe le troisième œil d'une façon qui n'est absolument pas intéressante. Bon, j'aimerais mieux avoir l'autre, intéressant. Bon, on va revenir à l'autre. Donc, à l'époque du Tibet, ou même encore aujourd'hui, le troisième œil qui est ouvert est un troisième œil qui permet une vision reliée à l'hypophyse, donc qui permet une vision de la conscience de l'humain reliée au monde de la mort de l'humain, donc qui permet à la conscience de l'humain de se relier au passé de l'homme, aux archétypes, et finalement à toute la chute de l'homme, aux effusions. Et ça ne dépasse pas le cadre planétaire. Ça ne dépasse pas le monde de la mort. C'est une vision astrale. La problématique de ce genre de vision, c'est que l'humain ne va que se faire confirmer qu'il est un déchu, sinon un déchet, qu'il a fait une chute, qu'il a bouffé une pomme avec un verre dedans, qu'il a, qu'il est un pécheur, qu'il doit être sauvé, qu'il ne comprend pas ce qu'il fait là, puis peut-être qu'un jour on va penser à y dire, mais c'est pas nécessaire. L'humain reste convaincu qu'il est un esclave, un petit, que lorsqu'il meurt, il meurt et c'est fini, ou peut-être qu'il va à la droite ou à la gauche du Père, ou qu'il va au Nirvana, ou qu'il va chez une planète des Elohim, ou comme il voudra. La problématique, c'est que lorsque l'humain ouvre ce troisième œil, il voit plus clair dans le mensonge, mais il ne voit pas nécessairement plus clair que c'est le mensonge. Voilà. Alors, pour l'ouvrir, ce troisième œil... Ça ne m'intéresse pas, là. Quand même, juste au cas où il y aurait des personnes, ça m'intéresserait. La façon la plus facile, c'est de prendre un point focal qui peut être une espèce de un médaillon. Bon, moi, quand j'étais jeune, j'ai pris un gros bouton. Ma mère n'a jamais aimé, puisque je l'avais pris après son manteau, enfin, un manteau d'hiver. Bon. Et j'ai perçu un trou, je l'accrochais après ma porte de chambre, mais c'est une chose qu'on peut faire. Alors, on regarde le médaillon sur la porte, on se couche, moi, mon lit est en face de la porte, ça va bien. Et lorsqu'on voit fixe suffisamment le médaillon, on projette maintenant, c'est-à-dire qu'on essaie de voir l'autre côté de la porte. Alors, à un moment donné, évidemment, on connaît la pièce de l'autre côté, c'est sûr. Mais on doit maintenant voir de l'autre côté. Et à un moment donné, effectivement, on voit la porte, mais on la voit transparente, même si elle couvre complet. Et on commence à voir les murs de l'autre côté et d'autres choses. À la longue, évidemment, l'individu doit cligner des yeux un peu, hein, avant, quand les yeux tombent à terre, c'est un peu tard, il va être bon. Et à un moment donné, on finit par voir suffisamment de choses qu'on commence à voir un espèce de petit rayonnement. Bon, à un moment donné, comme dans le séminaire que je donne, les individus, quand on parle un peu de l'aura, ça prend 5 minutes pour qu'un individu voit l'aura. Bon, on voit l'aura de l'humain, l'aura de la matière, etc. Mais, parce que je suis là, on leur explique, etc. C'est facile, ça prend 5 minutes pour voir l'aura, puis après, une fois que tu l'as vu, ben là, c'est réglé. On peut passer à des choses sérieuses. Alors, lorsque l'humain veut préparer cela, à un moment donné, lorsqu'il voit suffisamment sa pièce, etc., etc., etc., ben, à un moment donné, il change de pièce jusqu'à temps qu'il peut recommencer l'expérience ailleurs. Et au grand désarroi de son ego, à un moment donné, il va l'accrocher sur un mur comme ça, et puis il va essayer de voir ce que l'autre côté, puis quand il va aller voir, ça va être ça. Et normalement, les égos paniquent quand ils réussissent. Parce que l'humain veut réussir. Quand on parle de troisième œil, c'est simplement une troisième vision. C'est en réalité une deuxième vision, mais on a un œil, on a un autre œil qui crée la tridimensionnalité de notre vision, qui nous donne une échelle des distances et ces choses-là. Et quand on parle de troisième œil, on ne parle pas d'un organe biologique. Tout à l'heure, on l'a dit. Donc, on parle d'une autre vision. Alors, il y a une autre façon de tourner le troisième œil. C'est-à-dire qu'avec le troisième œil, on peut l'habituer à voir dans l'eau et on peut l'habituer à voir au soleil. On a le choix. Et évidemment, quand on l'habitue à voir au soleil, à un moment donné, on aura la capacité de voir dans l'eau. C'est-à-dire que tu peux voir dans le monde de la mort, dans l'astral, dans le passé, dans le mensonge. Mais si tu t'habitues à voir dans le mensonge, tu ne pourras pas voir dans la réalité. Pourquoi? Parce que la réalité est totalement différente du mensonge. C'est évident. Tu risques de faire éclater ton ego. Alors, tu rencontres un serviteur de Dieu absolument génial qui vient te donner des chips en plein comme tu les aimes. Et puis, à un moment donné, tu vas voir dans la réalité pour te rendre compte que toutes ces choses-là ont été créées par l'homme au début de la fusion humaine dans le contexte planétaire. Que Dieu ne s'intéresse pas à l'homme parce que Dieu ne s'intéresse qu'à lui et qu'il a besoin de l'homme parce que l'homme nourrit Dieu par son adoration énergétique. Est-ce que la réalité est dans l'eau ou dans le soleil? Dans le soleil. Dans l'eau, c'est très, très coloré, il y a des filtres, etc. Et on ne voit plus grand-chose. Il y a même des poissons là-dedans qui ont des lumières pour s'éclairer. On appelle ça des guides de lumière. Alors, l'autre façon, la glande pinéale est une glande qui travaille d'une façon endocrinienne à limiter la sexualisation du corps physique de façon à rendre l'enfant non reproducteur. Vers l'adolescence, la glande pinéale commence à ralentir sa sécrétion hormonale et lentement la puberté commence. Mais située où la glande pinéale? Dans le cerveau? Oui, dans le cerveau. Elle est située ici. Alors, les deux sont presque sur une même ligne, légèrement un peu plus haut que l'autre. Sauf que quand il y a des personnes qui me disaient à un moment donné, moi, je développe mon troisième œil parce que je médite dessus. Alors, moi, ce que je dis, d'accord, médites-tu ta glande pinéale ou hypophyse? Ah, ben, il est ici, là, en plein entre les deux yeux. Ah, bon, tu développes ta peau? À un moment donné, s'il y a un bouton qui pousse, c'est peut-être un cancer, une tumeur. Mais te concentrer sur le troisième œil, tu te concentres où? Sur l'os? Sur la peau? Sur les liquides, ce que tu as entre les deux, donc les méninges, tu te concentres sur quoi? C'est intéressant de méditer sur le troisième œil, mais là, j'appelle ça de l'illusion, de la spiritualité, enfin, c'est une farce. Tu médites sur rien, enfin, tu médites sur le troisième œil, oui. Sur le mot, sur le concept, troisième œil, que tu places à peu près où tu veux. Bon. La glande hypophyse, c'est la glande maîtresse qui dirige le système endocrinien de l'homme. Et on sait que le système endocrinien de l'homme est le système sécrétateur par lequel les voies astrales s'expriment de façon à pouvoir se relire par le biais de l'expérience corporelle au niveau hormonal, que l'humain appelle l'émotion. Et c'est ce qui relie l'humain à une évolution animale. Donc, comme l'homme, par exemple, qui n'a pas le choix d'avoir une érection lorsqu'il voit une femme, c'est animal. On se met en colère, on veut manger un peu plus, on voit quelque chose, on se met à saliver. Bon, l'évolution animale, c'est pourquoi je parle souvent de l'animal humain, à l'intérieur duquel il y a de l'être humain, mais il y a aussi une partie animale humaine. Et on vit de bonheur, de malheur, de bonheur, de malheur, de bonheur, de malheur, parce que chaque sécrétion détruit le corps physique, donc chaque émotion détruit le corps physique, le vieillit, le rend malade, la langue, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Une personne qui fait de l'angine de poitrine, ben dis-lui qu'elle a gagné 1 million, puis tu peux la tuer. L'émotion est bonne, ça n'a rien à voir, ça démolit autant. Et lorsque l'être humain travaille sa glande hypophyse, il travaille donc dans l'involution, c'est-à-dire qu'il travaille dans l'évolution biologico-sécrétative, l'initiation lunaire, la souffrance et le bonheur. Bon. Lorsque l'humain travaille sa glande pinéale, elle est située où? Elle est située un peu en haut du thalamus. Le thalamus est une partie du cerveau par lequel tous les sens biologiques passent avant d'aller au cortex du cerveau. Le cortex a une faculté associative. C'est là que va se développer l'intellect et finalement le mental. Et le mental est la seule constitution biologique de l'homme qui a la capacité neuronico-vibratoire pour entrer en contact avec l'énergie supramentale. Sauf que dans notre mental, tout ce que nous recevons comme information est passé par le thalamus. Et c'est dans le thalamus qu'est reliée la grande partie de la mémoire amique, la mémoire astrale de l'homme, sa psychologie. Et c'est pourquoi lorsque je vois un arbre, la vision de l'arbre et le bruit des feuilles de l'arbre et l'odeur des fleurs sur l'arbre passe par le thalamus. Passant par le thalamus immédiatement à une vitesse beaucoup plus rapide que la vitesse de neurodépolarisation, donc la conduction nerveuse, à une vitesse astrale, une vitesse de la pensée, va aller fouiller dans les mémoires expérientielles l'expérience de l'âme, et ça va revenir dans le thalamus pour poursuivre son chemin au cortex. Et là, l'homme va dire « c'est un maudit bel arbre ». Et au lieu de dire « il y a un arbre ». Un arbre qui sent ceci, cela, cela, et se nourrir de l'expérience de l'arbre, il voit un bel arbre ou un arbre laid. Parce qu'il compare avec ses expériences. Parce que ça a été coloré au niveau du thalamus avant d'arriver au cortex. La glande hypophyse est en dessous du thalamus et l'âme s'exprime dans le monde par l'hypothalamus et il lit le monde par le thalamus. La glande pinéale est au-dessus. Ce n'est pas une question d'au-dessus, c'est supérieur. Ça n'a rien à voir. Elle est au-dessus, se trouve biologiquement. Elle fuit la planète Terre, diraient les grands moustachus. Enfin, bon. Alors, elle est en haut. Et étant en haut, cette glande, à un moment donné, va travailler différemment et la sécrétion endocrinienne va recommencer à tarir la sexualité chez l'humain, son goût de reproduire. En réalité, ce n'est pas un goût de reproduire. L'humain n'a à peu près jamais le goût de reproduire. Il reproduit parce qu'il n'y a pas le choix. Quand il joue, ça fait des bébés. Mais ce n'est pas le goût de reproduire, c'est rare. Bon, il y en a, mais c'est rare. Alors, lentement, il va perdre cette expression endocrinienne. Lorsque l'enfant devient adolescent, il sécrète beaucoup plus. Sécrétant beaucoup plus, il devient fou. On appelle ça la crise de l'adolescence. Étant donné qu'il y a beaucoup plus d'hormones, bien, l'astral, l'ego s'exprime beaucoup plus, parce qu'on a vu qu'elle s'exprimait par le système endocrinien. Lorsque la glande pinéale commence à fonctionner, la femme cesse d'avoir le goût, même le goût programmé des relations sexuelles. Et là, elle peut se penser anormale. Elle est anormale. Elle est meilleure. Et lentement, l'homme aussi commence à avoir de moins en moins le goût des relations sexuelles. Il peut se faire accrocher, mais il y a de moins en moins le goût. Il va commencer à développer son centre laryngé, ils vont parler un peu plus. Parlant un peu plus, ils développent leur cérébralité, la parole ajustant la pensée. Ils auront de moins en moins le besoin de sexe et ils seront de plus en plus anormaux. Là, il ne faut pas aller se faire guérir. C'est l'évolution. Là, la guérison, c'est l'involution. Lentement, la glande pinéale commence à travailler et elle va permettre à la conscience de l'humain d'avoir accès aussi, par une vision troisième œil, à un autre monde que le monde de nos sens ordinaires. Par contre, cette vision est une vision neuve. Faire attention par neuf. Dans l'ouverture du troisième œil astralisé, l'humain voit du neuf. Il voit des guides de lumière, il n'en avait jamais vu. Mais ça ne lui fait pas peur. Parce qu'il a déjà entendu parler des anges, ou des archanges, des Melchisédèques, ou des guides. L'humain va voir une lumière extraordinairement belle, il va voir des couleurs comme il n'a jamais vu, mais il va voir des couleurs comme bleu, jaune, vert, etc. Alors l'humain voit du neuf, en réalité, il ne voit que du vieux amélioré. Mais lorsqu'on ouvre le troisième œil en direction de l'évolution, on voit du neuf. Et là, quand je parle de neuf, je parle de quelque chose qui n'a jamais été amené dans le contexte de l'évolution planétaire. C'est de l'intelligence supramentale. Cela va amener à l'individu une vision totalement neuve de sa réalité. C'est l'évolution, c'est le salut, c'est la naissance, c'est la mutation, c'est la fusion, c'est la christification, c'est ce que tu voudras. Mais une chose certaine, c'est que lorsque l'humain a accès à ce genre de vision, il vient en contradiction avec tout le passé historique, théologique ou social de l'humanité. Est-ce que ça peut lui faire peur? Ça ne peut pas lui faire peur. Ça lui fait toujours peur. Ça va lui faire peur. Et par la suite, ça fait peur à tous ceux avec qui il vit. Et par la suite, ça fait peur à tous ceux avec qui ceux qui vivent, avec lui, vivent. Et à un moment donné, il y a des forces de récupération qui vont tout faire pour dire à l'individu, tu vois, t'es un imbécile. Alors, tu devrais fermer les yeux, fermer ta grande gueule. Ça se fait puncher son troisième œil. C'est ça, le faire occulter, recommencer l'évolution. Le rapport entre la sexualité et le troisième œil, là, j'en ai manqué un bout. C'est obligatoire dans l'évolution de l'homme qu'il y ait un arrêt de la sexualité? Dommage, hein? Ouais. Pas de la peine. Mes trois femmes vont être déçues. Ben non, ils sont déjà bien comblés. Oui, ils sont déjà corrects. Mais c'est quoi le rapport entre les deux? Tu l'as expliqué biologiquement, mais j'aimerais mieux le comprendre encore. Parce que les deux êtres d'un couple peuvent ne pas nécessairement arriver au même point d'évolution en même temps. Il y en a un des deux qui peut dire, là, moi, j'ai plus le goût, l'autre, ça y tente encore. Premièrement, la femme a déjà un point d'avance là-dessus. Alors, dans un couple bien équilibré, la femme devrait se droguer, prendre de l'alcool un peu, évoluer pour laisser au bonhomme le temps de s'en sortir. Mais évidemment... Les femmes n'acceptent pas tout. Non, c'est ça. Les femmes n'acceptent pas tout. Bon, voilà. Et là, tu changes de femme ou tu essaies d'évoluer plus vite? Non, l'idée qu'on doit avoir une évolution harmonieuse dans le couple est une idée qui est fallacieuse, c'est une idée qui est dangereuse. C'est comme l'idée de dire, avant d'évoluer, on va attendre que l'humanité évolue. C'est ça, tu n'évolueras jamais. Alors, dans le couple, tu as l'homme, tu as la femme. Si la femme évolue plus rapidement que l'homme, tant pis pour le bonhomme. Si le bonhomme évolue plus vite que la bonne femme, tant pis pour la bonne femme. L'homme peut dire, oui, mais là, je vais quand même m'ajuster, je vais me calmer, faut quand même la respecter. Tu dois toujours respecter le plus respectable. Et c'est toujours toi le plus respectable. Tu ne peux pas aimer quelqu'un plus que toi. C'est de l'illusion, c'est de la manipulation, c'est de l'esclavage. C'est comme de dire, moi je suis un esclave, je veux me libérer de mon maître, mais il faut quand même que je prépare mon maître. Puis tant que mon maître ne voudra pas, je m'en irai pas, je ne pourrai même pas le faire souffrir. Mais ton maître, il ne voudra jamais. Alors à un moment donné, tu vas t'en aller. Et ton maître, il va se mettre en colère, et il va crier, il va pleurer. Il va passer par un paquet de phases tout à fait psychologiques qu'on pourrait décrire, un peu comme l'individu qui vit avec un autre va vivre. Alors, l'ouverture du troisième œil, c'est une ouverture qui permet à l'humain d'avoir accès à une vision. À une vision supramentale, donc à une vision au-delà du mental, donc à une vision qui n'est pas connue et qui n'a pas été sécrétée, qui n'a pas été créée par l'expérience de la planète. Autrement dit, pour la première fois, celui qui ouvre ce troisième œil pinéal, aura accès à une vision non archétypée, à une vision non colorée. Il aura accès à une vision non planétaire, donc à une vision cosmique de ce que c'est que la planète. Alors, il aura une vision tout à fait non théologique de la vie, de l'évolution, de l'intelligence sous-jacent à ce que lui appelle souvent l'absurdité planétaire. Il aura une vision tellement différente qu'il sera capable, à partir de cette ouverture, de supporter totalement tout ce qui pourra lui arriver dans le contexte de la planète, pour la simple raison qu'il sait, il le sait, il le voit, que tout cela, ici, c'est un petit pique-nique. Qu'est-ce que ça lui donne de savoir ça? Qu'est-ce que ça lui donne de savoir ça? Pour l'ego qui ne voit pas, c'est difficilement compréhensible, mais qu'est-ce que ça lui donne? Je viens de te le dire, qu'est-ce que ça lui donne? Ça lui donne que lorsqu'il voit ses enfants mourir, ou lorsqu'il voit ses parents mourir, ou lorsqu'il voit les guerres sur la planète, ou lorsqu'il voit les épidémies, ou lorsqu'il voit la pollution, ou lorsqu'il voit les holocaustes nucléaires, ou lorsqu'il voit la drogue, ou lorsqu'il voit tout ce qu'il voit, eh bien maintenant, il sait tout, il sait pourquoi tout ça est là. Et il sait non seulement pourquoi c'est là, mais il sait où ça mène. Et il sait aussi, il connaît, il sait, les conditions qui ont nécessité la présence de cette mécanique. De ce fait, on peut dire, ce n'est pas tout à fait cela, il n'a pas besoin de faire ça. De ce fait, il pardonne à la création, la création. Mais il n'a pas besoin de pardonner, rendu à ce niveau-là. C'est pas nécessaire, il n'y a plus de haine, il n'y a plus rien de ça, c'est clair, la vision est là. Alors, vu qu'il pardonne, il se libère totalement du karma, parce que lorsque l'on pardonne, on se libère d'un karma. Tu te désassujettis de l'autre. Alors, pardonnant, d'une certaine façon, à la création d'être, d'avoir la création, il se libère totalement de toutes les contraintes évolutionnaires, expérientielles, mémorielles, de tout ce système créationnel. Point du contexte planétaire. Il sait maintenant la mécanique, et il sait où cela mène, et il va, parce qu'il n'a pas, il va, pendant un 10 milliardième, des millionième, c'est plus petit que ça encore, de seconde, il va aider l'humanité. Mais c'est plus petit que ça. Alors, il va aider l'humanité, et du contexte de l'humanité, il va aider l'humanité pendant des millions, des millions, des millions, sinon des milliards d'années. Mais la vibration du temps pour lui, dans cette conscientisation, on parle évidemment d'un humain qui fait point, couvrir son troisième œil hématé, puis qui dit « Ah tiens, je vois plus clair ». C'est pas de lui que je parle. Je parle de celui qui a une bilocation complète et totale, qui a maintenant la capacité, comme l'aurait le voyant, de voyager dans une vision cosmique du contexte planétaire et d'avoir accès à une information supramentale, donc supraterrestre, qui va l'amener à se libérer, comme je viens de le dire, des contraintes archangéliques, des contraintes archétypales, des contraintes évolutionnaires collectives, de l'initiation lunaire et même de l'initiation solaire, parce que c'est l'initiation solaire, le fait d'ouvrir son troisième œil au niveau de l'intelligence supramentale. Un être à ce niveau-là serait en son troisième œil, il serait ouvert à temps plein. Là. Il est ouvert à temps plein, il est immortel, il est anégoïque, son âme est donc non colorée, son âme est pure, il a un corps fusionné avec son corps éthérique, donc il a un corps de lumière. Qu'on parle de ce genre de personnage. Évidemment, là, c'est quelques années plus tard. Entre les deux, là, entre ce qu'on est aujourd'hui puis cet être-là, la technique ou les pratiques ou les quelles sont les choses à faire pour ouvrir son troisième œil. Bon, je dis toujours aux gens qui font le séminaire et qui, à un moment donné, rentrent dans la structure PMC, qu'il y a un inconvénient majeur, c'est que ça fonctionne. Alors, c'est évident que si j'explique comment on peut travailler un peu l'ouverture de ce troisième œil, un troisième œil supramental, donc qui connecte l'humain non pas à l'expérience, l'intelligence, mais à l'intelligence, le neuf, c'est que ça fonctionne. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'humain, l'ego de l'homme, pas l'intelligence mentale de l'homme, non, ça, c'est évident. L'ego de l'homme, l'anti-homme de l'homme, les mémoires de l'évolution de l'homme, l'anti-homme de l'homme veut travailler pour arriver. C'est le but dans sa vie. Mais quand tu es arrivé, ben tu n'as plus de but dans la vie. Alors, première des illusions des dieux, qui est très, très, très dangereuse pour l'ego. Mais en plus, maintenant, tu vois que tout le reste ben, est différent de ce que tu avais pensé. Là, il y a des crises totales au niveau de toi-même. La deuxième crise, il faut que tu dises à tout le monde. Plus nécessairement, il n'y a personne qui voit ce que tu vois, donc... très souffrant. Il y a celui qui quête et à qui on ne donne pas, mais il y a le riche qui veut donner et puis personne n'en veut. Lui, il souffre encore bien plus. Alors maintenant, tu dis, oui, mes crimes, réveillez-vous. Hey, viens, toi, réveille-toi. Bon. Alors, ça crée des traumatismes. Il faut faire attention. L'évolution, c'est pas un jeu. Alors, pour ouvrir un petit peu ce troisième œil, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a tellement, tellement de facettes. Je vais prendre la facette la moins dommageable et qui fonctionne assez. La plus ajustée. Évidemment, c'est pas un truc McDonald's. C'est pas une affaire, tu commandes, puis on pitonne un petit peu, puis 30 secondes après, voilà, vous l'avez, vous avez qu'à manger ça, puis c'est réglé. Il faut faire des choses. Les lois de l'ouverture du troisième œil dans sa globalité sont uniquement la création d'un double éthérique. Donc, pour créer un double éthérique, qui est le double conforme dans le plan moronciel de notre conscience lucide actuelle, lorsque l'être humain meurt, ça, son âme gagne le monde de la mort, et il ne faut pas. Ça reste dans le plan de la vie, dans le plan moronciel, où c'est la vie sans le corps physique. Pour créer un double éthérique, il faut que l'être humain s'en égoïse. S'en égoïser veut dire faire fondre son ego. Ouvrir ce troisième œil, il faut l'ouvrir anégoïquement. Voilà pourquoi. Comprenons qu'on a un canal qui est un ajusteur, un canal, disons, ajusteur de pensée, mais un canal, qui, lui, est extrêmement léger et il monte. Je fais un parallèle, parce que c'est pas comme ça que c'est en réalité, là. Et ça monte, et où ça monte? Bien, ça se dresse assez, ça va flotter dans des sphères plus subtiles, qu'on appelle le plan supramental. Sauf qu'il y a, attaché au canal, un immense poids, qui s'appelle l'ego. Et il le descend, et là, le canal vient suctionner de l'information, de l'énergie, dans les plans plus bas, qu'on appelle le monde de la mort. Pour parvenir à développer le troisième œil en haut, on doit réduire le poids de l'ego. Réduire le poids de l'ego veut dire anégoïser. Donc, on doit faire fondre lentement l'ego. En faisant fondre l'ego, le canal monte. Mais l'avantage qu'il y a de s'anégoïser, c'est que plus l'ego fond, l'énergie qui constitue l'ego dans l'anégoïsation est transmuée en canal. Ça allonge notre canal. Donc, lentement, le canal va monter. Dans le début, il y a accès à des sphères plus évoluées du monde de la mort, à des sphères qui dépassent la moralité, la socialité, qui rentrent dans la théologie, atteignent la spiritualité, atteignent la haute spiritualité, et plus on s'en égoïse, atteignent le plan mental du contexte planétaire, et plus on s'en égoïse, traverse carrément le contexte planétaire, et le maintenant tombe dans le plan supramental, et là, ton troisième œil, du point de vue de l'intelligence, est totalement ouvert. Mais le problème qu'il y a, c'est que l'humain, habituellement, c'est son ego qui veut voir dans le monde supramental. Alors, quand l'ego veut voir, l'ego s'égoïse. Exactement comme lorsque l'humain... Ah bien oui, c'est intéressant. On a Dieu qui parle en haut. Lorsque l'humain se dit, bon, je vais essayer de voir, l'humain se relaxe. L'humain fait des exercices que je vais nommer. Et à un moment donné, il commence à voir quelque chose. Immédiatement, le cœur se met à accélérer. Ça, c'est de l'égoïsation. C'est-à-dire que l'âme s'empare de l'information, elle transmet sécrétativement, donc le corps physique réagit. Et là, vu qu'on s'égoïse, bien, on rebaisse un peu, fait qu'on perd le contact. Alors, c'est la problématique de l'humain, c'est que l'humain, dans son archétype, dans sa vision astrale, théologique, spirituelle, a valorisé l'émotivité, l'émotion. Il faut vouloir le voir sans vouloir le voir. Il faut vouloir le voir sans désirer le voir. Étant donné que l'humain a valorisé l'émotivité, et que l'émotivité est le grand facteur d'égoïsation, nécessairement, il s'ennuie. Voir avec un troisième œil dans le monde astral, plus vous allez le désirer, plus ça va se faire. Voir avec le troisième œil dans le plan supramental, plus vous allez désirer, moins ça va se faire. Parce qu'on doit comprendre que les lois qui s'appliquent à l'évolution de la conscience supramentale sont des lois qui fonctionnent à l'inverse, bien souvent, de ce qui déploie la conscience astrale. Donc, dans l'évolution, les lois qui sont là ne servent pas dans l'évolution. Alors, l'humain qui fait des projections se casse la gueule. L'humain qui désire n'a pas. Donc, l'humain doit s'anégoïser. S'anégoïser, ça veut simplement dire, premièrement, prendre conscience de toutes les expressions émotives dans notre corps physique. Toute forme d'émotion, d'ailleurs, est physique. Et l'humain doit prendre conscience des sécrétions endocriniennes dans son corps physique. Je le dis souvent, mais si je vais le dire d'une autre façon ce soir, et écoutez-le au moins d'une autre façon. L'être humain qui applique ça, immédiatement ouvre ce troisième œil. Ça ne prend pas des semaines et des semaines, là. Facile. Très facile. L'humain qui applique ça, ouvre son troisième œil. Ouvrant son troisième œil, il va augmenter sa capacité de se frustrer. Je l'ai dit tout à l'heure. Parce que quand tu commences à voir les choses d'un point de vue nouveau, neuf, et d'un point de vue que tu ne peux pas démolir, à moins que tu dises « Ah, oh, qui je suis pour pouvoir penser ça? » Tu peux te démolir, toi, pour refuser le point de vue, mais tu ne pourras pas démolir le point de vue. Tu pourras démolir les dieux, les traditions, les livres sacrés, les théologies, les espoirs, tout ce que tu voudras. Pas ta nouvelle vision. À moins que tu te démolisses, toi. Et c'est le danger de l'ego, c'est que l'anti-homme, à un moment donné, va commencer à vouloir te récupérer totalement, parce que la vision du neuf démolit l'anti-homme. C'est-à-dire, libère l'humain de son joug d'esclave planétaire ou disons, sous-théologique, et lui permettre de devenir ce qu'il est. Alors, lorsque l'être humain, qu'est-ce que vous faites? Vous devez travailler, c'est très simple, pour être lucidement conscient de toute forme d'expression corporelle qui provient de votre psychologie. C'est niaiseux. Comme développer le troisième œil, on coupe là, on pousse là-dessus, puis à un moment donné, ça fait. C'est niaiseux. Il faut dire ça à un médecin, il ne croira pas, il y a rien qu'à l'essayer, ça va fonctionner. Bien souvent, parce que l'humain, c'est très facile, on va dire à quelqu'un qui est extrêmement nerveux, prends trois grandes respirations. Mais ça marche. Il va dire, oui, ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionne? C'est parce que quand tu as le contrôle de ton système musculaire, tu bloques l'expression de l'astral au niveau sécrétatif. Mais ça relaxe. Voilà. L'être humain, qu'est-ce qu'il fait? Premièrement, effectivement, il devrait respirer convenablement. C'est-à-dire, lorsque l'humain inspire ou expire volontairement, c'est-à-dire que quand on inspire, on contracte les muscles du système pulmonaire, ce qui donne. Et lorsqu'on expire, on ne contracte pas, on libère la contraction inspirante et on relâche les muscles et ça fait que la pression des muscles et la cage thoracique au complet revenant à son point de départ, on expire. Dans l'inspiration volontaire, il n'y a pas d'expression astrale dans le corps. Il y a les résidus déjà exprimés au niveau hormonal qui agissent encore, mais on n'en met plus d'autres. Mais dans le relâchement, eh bien là, on ne contrôle pas. Il y a une mécanique réflexe, que je pourrais expliquer sur lequel je vais passer, qui fait en sorte que lorsqu'on contrôle le système respiratoire, cela envoie un influx au système hypothalamien et il y a un désassujettissement qui est temporaire pendant l'inspiration, de la manipulation du monde de l'astral, de l'ego de l'individu dans le corps physique. Maintenant, ce que l'on doit faire, premièrement, c'est qu'à l'instant où on constate qu'il y a quelque chose qui s'exprime, si l'humain inspire et expire, comme je le dis, c'est-à-dire qu'il inspire consciemment, et il expire consciemment, c'est-à-dire qu'il relâche progressivement, donc il contracte toujours le système musculo-pulmonaire, c'est pas nécessaire de faire du bruit avec le nez. Bon. Et il y a des individus, évidemment, qui font... Le nez, il est bourré de poils pour pouvoir filtrer l'air. Expirer par le nez veut dire aussi rejeter les poils, les poussières qu'on a ramenées. Alors, si vous êtes capable de manger par le nez, vous pouvez respirer par la bouche. Sinon, on inspire et on expire par les voies nasales, uniquement. Bon. Et il y a d'autres choses auxquelles on pourra revenir à un moment donné, parce qu'il y a beaucoup d'énergie minérale qu'on capte par le nez et on la capte par l'expiration. Bon. Alors, l'individu va donc contracter, expirer, et déjà là, il devient totalement calme. Pourquoi? Parce qu'il vient de briser l'expression de l'astral qui est là, alerte dans le corps physique pour pouvoir se relire, pour avoir toujours l'impression qu'il vit, qu'il est présent et qu'il est là, qu'il écoute. Juste parce qu'il concentre son esprit sur la respiration, pas son esprit, non. Mais son attention. Simplement parce que le mental, c'est pas l'ego qui concentre l'esprit sur la respiration, c'est pas l'ego qui fait ça. Le mental, parce que l'humain volontairement décide de contracter et de décontracter, pas de relâcher, de décontracter. Le mental, premièrement, prend le contrôle du corps physique, c'est une facette magnifique, c'est-à-dire que le mental contrôle le corps physique. Et en même temps, parce que par voie réflexe, le système hypothalamien ne travaille plus, autant relié au plan astral, il n'y a pas d'expression astrale, donc le mental devient contrôleur du corps. Et pour ouvrir dans la bonne direction, c'est nécessaire. Maintenant, l'humain peut retenir sa respiration, mais il ne doit pas retenir sa respiration comme on l'a toujours enseigné dans le passé. L'humain doit inspirer, contracter volontairement ses muscles, donc il ne ferme pas le système épiglottien, c'est-à-dire qu'il conserve la contraction tétanique de ses muscles pulmonaires. Ah, il n'y a pas de... Vu qu'il contracte et qu'il les maintient volontairement, continuellement le trou est ouvert, s'il les relâche, ça sort. Donc, pendant toute la phase d'inspiration, de rétention et d'expiration, le mental contrôle le système musculo-pulmonaire. Par voie réflexe, l'astral ne s'exprime pas. Cela va lentement permettre au corps physique d'assimiler les hormones qui y restent traînantes, de les interpréter, de retourner ça à l'ego. Et lentement, il y aura de moins en moins d'expression. L'ego va lire de moins en moins ce qu'il veut dans le corps. Il ne va lire dans le corps que le vide. Pour l'ego, le vide, c'est le calme. Et l'ego, se croyant calme, cesse de vouloir exprimer. cessant de vouloir exprimer, lorsque l'humain va cesser de contrôler son système respiratoire, l'ego étant quand même calme, ne va exprimer que du calme, lentement il va revenir, mais ça nous laisse un laps de temps. Alors, c'est important de comprendre la mécanique, c'est que ce n'est pas une rétention épiglottienne, c'est une rétention contrôlée, mentalo-physique, donc memphique, du système musculo-pulmonaire. Et je continue à maintenir la contraction de mon système musculo-pulmonaire, et je relâche. On ne gonfle jamais ses poumons jusqu'à faire briser cet alvéole, hein? Ce sera rien. De l'emphysème à long terme pour rien. Bon. Dans le cas d'une émotion forte, quelqu'un qui vit un accident ou quelque chose ou même une colère simplement, est-ce qu'on peut utiliser cette technique de respiration? Cette technique-là, elle brime totalement l'expression astralo-physique. Donc, nécessairement, dans n'importe quelle situation de manipulation astrale, l'individu qui respire, pas comme on l'a enseigné dans les écoles de yoga ou dans les écoles de respiration, l'individu qui respire comme je l'ai expliqué là, nécessairement, il se désassujettit suffisamment longtemps. Mais ce n'est pas ça. Là, ça fait que calmer l'expression astrale de l'ego dans le corps physique. Faites l'expérience, même quand vous êtes calme, vous allez juste être 10 fois plus calme. C'est pas compliqué. On fait l'expérience, puis on est calme. Ça fonctionne. C'est du pratique. Mais ça, c'est pour calmer l'ego. Maintenant, on doit travailler l'ouverture du troisième œil. Et tout ce que c'est l'ouverture... Qu'est-ce que c'est l'ouverture du troisième œil? L'ouverture du troisième œil, c'est comme l'ouverture dans l'astral. Dans l'astral, ça donne à l'humain une vision théologique, spirituelle de lui. Quand on ouvre le troisième œil au niveau de la glande pinéale, donc on coupe le contact avec la glande hypophyse, contrôle musculaire, musculo-pulmonaire, on a une vision, encore une fois, de nous. Le troisième œil te permet de te voir. Mais la vision est une vision cosmique ou extraterrestre de ta présence terrestre. Tu ne vas pas fouiller dans d'autres livres. C'est exactement comme si tu te retrouvais totalement à l'extérieur et que toute la propagande planétaire ne te suit pas. Ce sont des religions. Alors, quand tu es à l'extérieur, subitement, tout ce qui t'empêchait de fonctionner est parti. Et là, tu dis, merde, comment ça se fait, j'ai pas pu voir ça avant. Tu ne peux pas voir ça avant, tu es assis à l'intérieur. Bon, c'est pas compliqué. Comment ça se fait que j'ai pas pu me rendre compte que j'étais dans une salle de cinéma? Mais c'est que t'étais dedans. Une fois que t'es sorti, tu vois la bâtisse, plus tu t'éloignes, plus tu vois la rue autour. Alors, j'étais même dans une ville. Ça change tout. Je pensais que j'étais en plein milieu de la planète Terre. Puis finalement, je me rends compte que j'étais à l'extérieur. Alors, l'individu, une fois qu'il a calmé son système, tout ce qu'il a à faire, c'est qu'il n'a qu'à prendre conscience qu'il a dû calmer son système. C'est ça le point le plus important pour ouvrir ce troisième œil. Maintenant que je me suis calmé, comment suis-je? Je suis manipulé. Maintenant, j'ai contrôlé. Et l'individu, lentement, va décoder. Ça ne sert à rien de tout expliquer le reste. C'est comme si je te dis, dans le monde astral, tu vas voir des couleurs. Mais là, à quoi ça me sert de parler de toutes les couleurs que l'on va voir, des significations, alors qu'à l'instant où l'humain les voit, il sait ça. Si on en parle, par exemple, on donne un cours sur la vision de l'aura astrale et on vous dit le vert, ceci, le bleu, ceci, le jaune, ceci, des colorations à tel endroit du corps. À quoi ça sert? Ça sert à celui qui ne voit pas. Ça carottise le chemin, ça met une carotte. Sauf qu'à l'instant où l'individu va être capable de voir, il va tout savoir le cours. On ne sauve pas à peine de donner un cours. L'individu doit bloquer l'expression de l'astral dans le corps physique et par la suite, il ne doit que observer ce qu'il est. Mais la vision qu'il va avoir, ce qu'il est, ce ne sera pas une vision théologique, morale, spirituelle, archétypale, ancêtre. Ça va être une vision de plus en plus neuve. Évidemment, il commence à l'ouvrir. C'est comme celui qui se fait planter ça ici. Il commence à voir, mais bon, il commence à l'ouvrir. Mais ce que je dis, moi, c'est que si vous tentez l'expérience pendant une semaine, si vous êtes capable de l'écrire sur votre main, sur votre montre, sur vos papiers, dans votre front, sur la face de ceux avec qui vous travaillez, partout, chaque fois que vous vivez quelque chose, c'est quoi? Un automobile vous coupe, faites un respirer. Oh, le calme! C'est en train de vivre quelque chose. Le faire régulièrement, une semaine. Vous allez voir la nuance, mais la nuance totale. Vous allez avoir une vision totalement neuve.